C'est la série live. Deux morceaux en concert dans British Connection. Ambiose, ADN, Illouel, 13 mai 2023, Cirque Électrique Paris. Listening to British Connection, the best radio rock show in the galaxy. British Connection, enfin l'émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. C'est d'emballe. British Connection, British Connection, British Connection. British Connection, enfin l'émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. Toutes les fractures, cumuler l'absence et la torture, ensommeillé, je ne rêve plus. Je ne rêve plus. Une insuffisance respiratoire, un goût amer choquant. et monstrueux. Alors qu'en ta présence je peux entrevoir le repos de tous ces songes volés, je ne rêve plus. Dernière demi-heure de British Connection, dernière demi-heure avec le collectif Ambiose. Je pense qu'avec tous les concerts que vous avez faits, vous avez dû avoir des trucs terribles, des anecdotes, des trucs de fous, des trucs qui vous sont arrivés. Déjà, le premier truc qui est assez drôle, c'est que les tout premiers concerts qu'on a fait, on les faisait dans mon jardin. Ouais. Sauf qu'on descendait toute la sono, etc., toute la batterie. Franchement, les voisins nous ont détestés. On a fait aussi un concert où il y avait 40 personnes dans mon salon. C'était archi-punk. C'était archi-punk. Et le premier vrai concert qu'on a fait, l'anecdote qui est très très drôle, c'est qu'on a des vidéos de ça, mais on les montre pas trop. Mais c'était Elles font du rock dans le 91, où on nous avait invités à faire la première partie du gros groupe du soir, 4 Saint Trees. Et on était tellement contents de jouer devant. Bah, en plus, c'est grand Elles font du rock, quoi. Donc il y avait 500 personnes faciles devant nous. Que le batteur a vraiment pris ce qu'on appelle une confiance de ouf et a hurlé dans le micro. Et en fait, il était tellement content qu'on dirait qu'il pleurait. Et genre, vraiment, ça donnait un truc du style « Si elles font du rock, tu nous avons invité et tout !» Et c'était trop gênant. J'étais content. Voilà, mais après, on a eu plein de pains moyennement marrants, mais voilà, c'est un peu des anecdotes qu'on a de notre tout début de vie en concert, quoi. Alors, Mansfield, c'est un de tes choix ? Ouais. Bah, Mansfield Tia et même Rebecca Warrior au sens large, c'est vraiment, genre, je pense, l'artiste qui m'a totalement forgé depuis mon enfance. Et c'est un des plus grands, ouais, c'est une des plus grandes dames pour moi, même en termes de texte, de composition, etc. Pour moi, c'est elle qui a forgé peut-être à 70% Ambiose, quoi, par exemple, voilà, même avec Mansfield Tia, quoi. On va s'écouter un morceau, un de vos choix, puis juste après, on parlera de vos clips, de vos vidéos. Enfin, c'est là aussi, il y a une ambiance que vous arrivez à remettre dans les concerts, à remettre dans les photos, à remettre dans tout ça, que je trouve très fort. Vous me parlez qui filme, qui a des idées. Bon, les idées, ça va être encore toi, non, c'est ça ? Non, pas tout. On a un photographe qui nous suit dans le collectif, qui fait toutes nos pochettes et tous nos shootings, il est très fort. Alors, encore un choix, Ambiose, tout de suite dans British Connection. C'est toi, vas-y. Yes, alors là, je vais vous parler de Gojira. Il va falloir m'arrêter parce que j'en parle beaucoup. T'as 50 secondes, l'intro a fait 50 secondes. Ok, alors. non, Gojira, aussi simplement que ça, c'est moi, quoi. C'est à la batterie, on a l'incroyable Mario Duplantier, qui est pour moi un des meilleurs batteurs au monde. Et il m'inspire absolument tout. J'ai tout écouté, je connais tout par cœur. J'ai retranscrit au papier ce qu'il fait pour l'apprendre moi-même. Et je sais jouer peut-être 90% de leurs morceaux, quoi. C'est complètement ouf ce qu'ils font, c'est du métal, c'est du métal français, c'est génial, ça vient du sud. et non, j'adore, ils sont à fond dans l'écologie, ils ont des messages qui sont géniaux, en plus de faire des concerts qui sont absolument phénoménaux. il faut écouter, c'est une émotion, c'est très unique, c'est très intéressant. Tu devrais être leur manager, hein. Tu les as bien vendus. Oui, je pense que ouais. On les a vus en concert à Bercy, c'était une grosse expérience aussi. C'est encore un choix en vieux en British Connection. Choix musicaux en duos, il y a quand même beaucoup de groupes français. Cocorico. Alors vos clips, vidéos, clips, etc. Je suis aussi très... j'adore vos clips. Même la pochette de votre album, elle est... Vous avez un mec qui s'occupe de ça? Ouais, bah il y a un gars dans le collectif qui fait du super beau boulot, il s'appelle Titouan de Marciac d'ailleurs, si vous voulez sa petite pub. Mais ouais, c'est un gars qui nous suit depuis le tout début, c'est mon demi-frère. Et du coup, bah voilà, c'est lui qui s'occupe de tout l'aspect des shootings, des photos, des pochettes, etc. Et la photo de l'album, elle est où? Elle est dans la campagne essonienne, non? Ouais, pas très loin de chez nous, mais c'était un peu les inspirations. Déjà, en plus, c'était important, mais comme t'as pu le voir dans nos clips, de mettre aussi les visages qu'on voit pas trop du collectif. Enfin, du coup, les visages masqués du collectif, parce qu'on est tous ensemble sur la pochette. Pareil dans les clips, on est souvent tous ensemble. En tout cas, c'est une vraie team qu'on essaye aussi de rendre hommage avec les clips, quoi. Et du coup, ouais, on a tourné pas très loin de chez moi avec ces grands pylônes électriques dans cette campagne. Mais ouais. La photo de l'album, pour moi, je pense qu'à un moment donné, ça peut être une photo mythique. Tu vois, t'as des pochettes d'albums. Non, mais t'as des pochettes d'albums qui marquent. Mais cette photo, je la trouve énorme, quoi. Ouais, elle est très bien. Moi, je l'aime beaucoup. Ouais, elle est top. C'est hein. Vrai qu'elle est très bien séparée en deux, le ciel, la terre, tout ça, ouais, c'est génial. Quand on a fait la photo, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris plein de membres du groupe, et en fait, on a des objets qui font référence, du coup, à des morceaux de l'album. Ah bah alors ça, j'ai pas fait attention. Ah ouais, il y a un jeu caché. Chaque objet en or représente un morceau de l'album sur la pochette. Allez, on se fait une petite pause avec en exclusivité un de vos morceaux. Grève, manifestation, chômage, catastrophe naturelle, pandémie. Faites un break. Ah, respirez. Écoutez British Connection, l'émission rock qui vous aime et prend soin de vous. Les Noirs veulent monopoliser la lutte antiraciste. Il est hors de question que vous fassiez peur à votre soutien. La meilleure façon de se payer comme ça, c'est de travailler. En exclusivité, uniquement dans British Connection. Test micro, ok. Aujourd'hui est un jour bien particulier. Je quitte la terre en y laissant mes larmes et toute sa médiocrité. J'ai le cœur lourd, messieurs, mesdames. Je viens trouver le repos. Adieu l'enfer, je monte au ciel serein. Au nom du Père, du Fils et des Esprits Saints. Malheureusement, je fus déçu de cette idylle dont j'ai tant rêvé. Le paradis, Tanga Tribor, sans doute t'as rien de dérivé. Voilà le temps des messes extrêmes, des prêtres charmeurs et des fausses pèlerines qui veulent tous se faire sanctifier quand le ciel deviendra bleu marine. Le Brésil s'empare de l'arche de Noé, sens-tu l'odeur des animaux brûlés? Stockés dans des sacs sous format pratique, nos beaux nuages sont recouverts de plastique. Les gens ont trop peur pour leur sécurité, le serpent les a mordus et envenimés. Saint-Pierre radical ne laisse plus vraiment entrer les pauvres âmes étrangères des autres paradis dévastés. Adam et Ève sont en dispute, tirant du public à chaque minute. Selon celui-ci, sa femme est Belzébuth. Il a croqué le fruit à cause d'elle, c'est trop cool. Marc, Luc, Mathieu, Jean sont devenus de grands idoles. Les saints effrontés, prêcheurs de la bonne parole. Les évangiles dans la télévision. En live, c'est toujours sur le set pour la fin d'évasion. Les temps sont durs, j'arrive plus à rêver. Le monde fonce droit dans le mur, le paradis l'a copié. Aujourd'hui, je me sens pas bien, j'ai le mal du ciel. Peut-être que les anges gardiens emmerdent l'éternel. Propriétés cachées derrière boucliers, règle tout à grands coups d'épée. Soldats du désordre, même pas formés. Les visières filent tout sauf la stupidité. En ce moment, y'a plein de jeunes au ciel, mais Dieu ne les comprend pas vraiment. Un jour, il les blâme, puis l'autre, il les aile. Il doit se faire élire dans 5 ans. Chers compatriotes. Le Christ est un fils à papa qui a beaucoup trop de pouvoir. Y'a 12 marionnettes autour d'un repas, et il n'y a sans doute pas qu'un seul Judas. Mais la Vierge Marie, tiens, on laisse les apôtres. Avec tous ses réseaux, elle fait trembler les autres. Un tribunal du peuple, président des bonnes mœurs. C'est comme une épo, un crime de Schrödinger. Le jardin d'Eden est un parc d'attractions où l'on prie beaucoup pour payer l'addition. On pompe la lumière des étoiles jusqu'à ce que les trous noirs se dévoilent. Les rois mages possèdent de superbes profils. Quand Jésus est né, ils n'ont fait que des selfies. Ils sont prêts à tout pour toucher le chèque, aux frontières la réussite et de l'échec. Et dans son dur, j'arrive plus à rêver. Le monde pied. Aujourd'hui je me sens pas bien, j'ai le mal du ciel. Peut-être que les anges gardiens emmerdent l'éternel. Les temps sont durs, j'avais plus à rêver. Le monde fonce droit dans le mur, le paradis l'a copié. Aujourd'hui je me sens pas bien, j'ai le mal du ciel. Peut-être que les anges gardiens emmerdent l'éternel. Il est énorme ce morceau, mais d'où vous me sortez ça? C'est une exclue qui n'est pas sortie du dernier album. Ah, juste dans British Connection, une super exclue, vraiment. Ce morceau, mais alors d'où vous sortez? Vous l'avez enregistré, clip, machin, truc, mais je ne l'ai jamais entendu quoi. On l'a même clippé et tout, et il n'est jamais sorti. Il sortira peut-être un jour si on fait une réédition de Ange Gardien ou si on refait un album. Ok, encore un dernier choix pour vous, puisqu'on arrive déjà au bout de l'heure d'émission, au bout de l'avant-dernière de la session British Connection, Jamiroquai. C'est ouais, ton choix. C'est ça, encore un choix. Mais super... Mais t'es toute jeunette, t'écoutes Jamiroquai. Bah justement, ce morceau je l'ai choisi parce que c'est un peu une ref à mon père qui m'a fait découvrir encore ce groupe. Et en fait c'est lui qui m'a fait découvrir plein de groupes que j'écoute actuellement et qui m'a introduit au rock. Et du coup c'est un peu une référence au morceau parce qu'avant je n'écoutais pas du tout ce genre de musique. Alors qu'est-ce que justement t'écoutes au niveau rock? C'est quoi pour toi le rock? Il y a quoi dans le rock? C'est tellement vaste. Oui, c'est sûr que Jamiroquai c'est pas vraiment c'est un truc que je peux passer, hein. Enfin la preuve je passe. Mais dans le rock t'as des choses aussi autres que tu écoutes? Ouais, alors plein de trucs. Je te demande ça parce que moi je suis beaucoup plus âgé que vous. Et j'aime bien savoir ce que les jeunes aujourd'hui ils entendent par rock et ce qu'ils écoutent quoi. Bah en vrai je pense qu'il y a quand même plein de classiques comme les Strokes, les trucs comme ça, et puis des trucs un peu plus modernes genre le Bring Me The Horizon par exemple, et puis ouais plein de trucs comme ça, je pourrais pas t'en donner une liste. Mais... Et vous chacun Moi je suis ultra fan de Roger Glover, je sais pas si ça dit quelque chose. Oui ça avec, dit quelque chose. L'album Roger Glover and the Butterfly Ball, voilà, ouais. Album incroyable, faut absolument écouter ça. Et toi? Bah en vrai, en tout cas en France, moi vraiment, pour moi le Graal du rock, ça a été Superbus, et ça est encore Superbus qu'ils font maintenant, quoi. Voilà. Jamiroquai, c'est le dernier choix d'Ambiose. We have to give this future made up. Voilà, British Connection, votre émission rock avec Ambiose, c'est terminé. Alors, dernier petit message avant de nous quitter. Déjà, c'était très sympa. Franchement, l'heure est passée à une vitesse de fou. Prochain concert, prochain projet, comment trouver votre album ? Alors, au moment où vous écoutez ça, on devrait annoncer une date de nouveau au Cirque Électrique, comme l'extrait que vous avez entendu, le 28 juillet, donc à Paris, à côté de Porte des Lilas. Et j'y serai. Et en plus, Philippe y sera. Mais et également, bah, allez écouter l'album qui est sorti, enfin l'EP qui est sorti, et même il y a un album avant si vous voulez découvrir tout le groupe. Voilà, c'est vraiment un projet qui parle beaucoup de notre génération, quoi. Salut tout le monde. Au revoir. Salut. Merci à vous. C'était Ambiose dans British Connection. Je vous souhaite grand succès et puis longue vie, franchement. Je suis de tout cœur avec vous. British Connection, l'émission rock, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve ici même la semaine prochaine, même horaire, même fréquence. Et en attendant, n'oubliez pas, British Connection, c'est votre émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. Allez, salut.